You can make that 7 million at a good consensus now. Il y a aussi chute de résistance périphérique, ADA sous l'effet des oestrogènes. Parce que ça augmente pendant la grossesse. Donc ça augmente ça donne cette modification. Lorsque la femme enceinte est indemne de pathologie cardiaque, généralement ça entraîne peu de conséquences. Ça peut donner une tachycardie ou un des membres inférieurs. Parce que même les oestrogènes, elles entraînent une rétention d'eau. Donc ça entraîne soit un petit dyspnée, une petite cardiomégalie, par surcharge volumique, une tachycardie. Mais lorsque la femme enceinte a une maladie cardiaque, là, il y a certaines maladies cardiaques qui sont graves, d'autres qui sont gérables pendant la grossesse. Commençons par exemple les valvulopathies. Les valvulopathies sténosantes, généralement, c'est eux qui posent problème pendant la grossesse. Les sténoses mitrales, sténoses aortiques, si on découvre que cette dame elle a un RM serré, symptomatique, ou bien un rétrécissement aortique serré, d'abord, il faut d'abord traiter cette valvulopathie avant de planifier une grossesse. Alors, si la dame, la malade, tombe dans cette. Elle ne savait pas qu'elle a cette maladie cardiaque, RMCI ou bien sûr AO, elle a deux dimensions. Le RMCI ne pose pas de problème parce que c'est un geste, c'est la dilatation au bras. Il dit au bras de la protection, la radioprotection, avec des blouses plombées, ou bien une dilatation qui peut se faire avec des risques très minimes à partir de la 20e semaine. Mais lorsque le RAO il est serré, RAO il est difficile à gérer. Il n'y a pas de geste. Donc, c'est la chirurgie. Là, ça devient. C'est vrai, avant de proposer une interruption thérapeutique de grossesse, il faut discuter avec un cardiologue et gynécologue. Et ça peut aller vers une interruption thérapeutique de grossesse. Parce que le risque maternofépale, il est très important. D'autant plus que. Généralement, les manifestations, ça commence à partir de la deuxième trimestre. Parce que c'est une mammonisée de type cardiaque. Mais les valvulopathies fouillantes, comme l'insuffisance mitrale, généralement, ça ne constitue pas une contre-indication à la grossesse. Même quand la dame a dit, il ne suffit pas que la fraction d'éjection soit à HVIA, donc normalement, ça ne pose pas de problème. Quelle est les cardiopathies dilatées? Une dame a une cardiopathie ici, une cardiopathie dilatée, il y a le risque. Parce que. Un cœur défaillant, malade, avec une fraction d'éjection qui est faible, donc avec les idées de débit cardiaque, donc le risque c'est le dème aigu du poumon. Par exemple, la cardiopathie hypertrophique, CMH, donc le muscle cardiaque est hypertrophique, une dame porteuse de cette maladie, la grossesse chez elle, c'est à haut risque. À haut risque. Donc, l'intérêt, c'est d'abord d'essayer de dépister chez une femme. Moi, je suis malade, mais je procréer. Donc, s'il y a quelque chose, disons, j'ai la répétition à l'enfance ou bien la voie de symptomatologie, donc, je dois consulter d'abord pour voir si ça va être quelque chose cardiaque ou jamais. Par la suite, une malade a déjà une cardiopathie, elle a une cardiopathie, pour planifier les grossesses, donc il faut qu'elle doit éviter les oestrogènes, parce que lorsqu'il y a une cardiopathie, là où il y a une stase du sang, et la stase favorise la thrombose. Donc il faut derrière les oestrogènes, les oestrogènes, si cette dame est porteuse d'une valvulopathie, il faut qu'elle évite de stériliser. Parce que le stérilisme, ça constitue une cause d'entrée pour l'endocardite infectieuse. Si cette dame est porteuse d'une prothèse, elle a une prothèse pour planifier pendant la période de planification de grossesse, elle a le stérilisme, il est contre-indiqué parce qu'elle a été sous anticoagulant. Dès le stérilisme, donc elle risque de signer. Donc chaque. Pathologie, donc c'est à discuter entre le cardiologue, le médecin cardiologue et le gynécologue pour choisir bien la méthode contraceptive. C'est bon? Hi, attends une dernière question. قلت لي انا فيها 5 وقت صلاة شحال كسيان جروبي اوكو اوكو دينا تيو باتي اكي رماتش جيبا برانتاكي Le tabac constitue le principal facteur de risque de l'atteinte proximale. L'artériographie est nécessaire pour l'ischémie critique. Qu'est-ce que c'est? Un malade de la chirurgie. Donc, il faut aller rapidement pour une chirurgie. Non, Doppler. La mission de l'index de pression systolique est l'élément important de la surveillance. Représente un marqueur positif important indépendant de morbidité et de mortalité cardiovasculaire. Oui, c'est un marqueur. Le pronostic est plus sévère sur le diabète. Oui. Des réponses. Non, le tabac. Le pronostic est plus sévère sur le diabète. Oui, oui. Oui, c'est un facteur de risque. Diabétique, c'est le membre inférieur. Et puis, c'est bien sur le diabétique. Je ne sais pas si tu as une réponse. Ah, oui, d'accord. C'est bon. D'accord. Deuxième question. Le syndrome de Lurich. Il se compare à une construction du carrefour à l'autre. Dû à l'association des lésions athéromateuses et d'une compression d'un max veineux iliaque. Associe une claudication du domaine inférieur et impuissance sexuelle. Constitue une indication élective d'angioplastie. Peut s'associer à une atteinte coronaire. Oui. Bien sûr. Réponse. C'est. L'artérite du diabète représente plus de 20% des artérites. Ah, bon, c'est pas mal, c'est pas des malades. Prédomine sur les artères iliaques. Non, les artères distales. Histologiquement, c'est une artérite athéromateuse associée à des degrés d'éveil à l'athérosclérose, l'infiltration et le calcaire de la médiane. Oui. Oui. Les troubles trophiques sont fréquents du fait de l'atteinte artérielle capillaire et de la neuropathie associée. Oui. Le diabète multiplie par 5 à 6 le risque d'amputation par rapport aux artérites non diabétiques. Oui. C'est le gamma chien. Les modifications suivantes sont observées au cours de la grossesse. Le débit cardiaque, résistance, augmentation du facteur de coagulation, anémie grave et physiologique. Au dernier moment, c'est mon sang, une grossesse sur une pathologie. On entraîne un taux élevé d'avortement spontané et d'accouchement prématuré. Bien sûr, grossesse sur une pathologie. Bref, une grossesse sur une cœur malade. Comment on termine les avortements? On entraîne un risque élevé d'accident gravido-cardiaque ou APA. Le RM constitue la cardiopathie la plus fréquente. C'est le RM. Oui. Le syndrome d'Eisenmenger ne constitue pas une contre-indication à la grossesse. Eisenmenger, c'est une hypertension artérielle pulmonaire sévère. C'est une contre-indication absolue. Un bâtiment de la cardiopathie congénite. Les valvulopathies sténosantes sont généralement mieux tolérées que les valvulopathies fouillantes. Non. Allez, la réponse B. innocente. Et généralement, pour les rives, la biopathie fuit. Le day. Le day. C'est bon. Ah ouais,